Deuxième partie, livre quatrième, suite. Quand, revenant à Paris par la route de Bourgogne, j'aperçus la coupole du Val-de-Grâce et le dôme de Sainte-Geneviève qui domine le jardin des plantes, j'eus le cœur navré. Encore une compagne de ma vie laissée sur la route. Nous rentrâmes à l'hôtel de Croislin, et bien que M. de Fontanes, M. Joubert, M. de Clausel, M. Mollet, vinssent passer les soirées chez moi, j'étais travaillé de tant de souvenirs et de pensées que je n'en pouvais plus. Demeuré seul, derrière les chers objets qui m'avaient quitté, comme un marin étranger dont l'engagement est expiré et qui n'a ni foyer ni patrie, je frappais du pied la rive. Je brûlais de me jeter à la nage dans un nouvel océan pour me rafraîchir et le traverser. Nourrisson du Pinde et croisé à Solymes, j'étais impatient d'aller mêler mes délaissements aux ruines d'Athènes, mes pleurs aux larmes de Madeleine. J'allais voir ma famille en Bretagne, et de retour à Paris, je partis pour Trieste, le 13 juillet 1806. Madame de Chateaubriand m'accompagna jusqu'à Venise, où M. Ballanche la vint rejoindre. Note. Nous allâmes faire nos adieux à nos parents en Bretagne, et en juillet, M. de Chateaubriand se mit en route pour son grand voyage. Je partis avec lui devant l'accompagner jusqu'à Venise. En passant à Lyon, au moment où nous traversions la place Bellecour, deux pistolets, qui se trouvaient bien imprudemment placés dans le cylindre de la voiture, partirent en même temps et mirent le feu au cylindre dans lequel se trouvait une boîte de poudre et un sac de louis. C'était plus qu'il n'en fallait pour nous faire sauter, et avec nous une foule de monde qui entourait la voiture. M. de Chateaubriand eut la présence d'esprit, après m'avoir jeté dans les bras du premier venu, de retirer le sac et la boîte et de descendre ensuite. On répara le dommage et nous continuâmes notre route. En partant, je fis promettre au bon Ballanche de venir me chercher à Venise, où M. de Chateaubriand devait me quitter. M. de Chateaubriand quitta Venise le vendredi 1er août 1806 pour aller s'embarquer à Trieste. Je restai plusieurs jours attendant Ballanche qui n'arrivait pas. Je commençais à me désespérer, mourant d'ennui et du désir de me retrouver en France avec des amis auxquels je pusse confier mes inquiétudes. Il arriva enfin, c'était le soir, je lui fis une scène, je lui dis que j'allais l'emmener sur la place Saint-Marc et que c'était tout ce qu'il verrait de Venise parce que nous partirions le lendemain à 5 heures du matin. « Allons, me dit-il, puisque vous le voulez, je le veux bien. Mais alors, il faudra que je revienne. Vous reviendrez sûrement, mon cher Ballanche, mais l'année prochaine. » Il comprit cela et le lendemain, à 5 heures, nous nous embarquâmes pour Fusina. Souvenir de Madame de Chateaubriand. Fin de note. Ma vie étant exposée heure par heure dans l'itinéraire, je n'aurais plus rien à dire ici s'il ne me restait quelques lettres inconnues, écrites ou reçues pendant et après mon voyage. Julien, mon domestique et compagnon, a de son côté fait son itinéraire auprès du mien, comme les passagers sur un vaisseau tiennent leur journal particulier dans un voyage de découverte. Le petit manuscrit qu'il met à ma disposition servira de contrôle à ma narration. Je serai Cook, il sera Clark. Afin de mettre dans un plus grand jour la manière dont on est frappé dans l'ordre de la société et la hiérarchie des intelligences, je mêlerai ma narration à celle de Julien. Je le laisserai d'abord parler le premier, parce qu'il raconte quelques jours de voile faits sans moi de Modon à Smyrne. Itinéraire de Julien. Nous nous sommes embarqués le vendredi 1er août. Mais le vent n'étant pas favorable pour sortir du port, nous y sommes restés jusqu'au lendemain, à la pointe du jour. Alors le pilote du port est venu nous prévenir qu'il pouvait nous en sortir. Comme je n'avais jamais été sur mer, je m'étais fait une idée exagérée du danger, car je n'en voyais aucun pendant 2 jours. Mais le troisième, il s'éleva une tempête. Les éclairs, le tonnerre, enfin un orage terrible nous assaillit et grossit la mer d'une façon effrayante. Notre équipage n'était composé que de 8 matelots, d'un capitaine, d'un officier, d'un pilote et d'un cuisinier, et 5 passagers, compris monsieur et moi, ce qui faisait en tout 17 hommes. Alors nous nous mîmes tous à aider aux matelots pour fermer les voiles, malgré la pluie dont nous fûmes bientôt traversés, ayant ôté nos habits pour agir plus librement. Ce travail m'occupait et me faisait oublier le danger qui, à la vérité, est plus effrayant par l'idée qu'on s'en forme qu'il ne l'est réellement. Pendant 2 jours, les orages se sont succédés, ce qui m'a aguerri dans mes premiers jours de navigation. Je n'étais aucunement incommodé. Monsieur craignait que je ne fusse malade en mer. Lorsque le calme fut rétabli, il me dit « Me voilà rassuré sur votre santé, puisque vous avez bien supporté ces 2 jours d'orage, vous pouvez vous tranquilliser pour tout autre contretemps. » c'est ce qui n'a pas eu lieu dans le reste de notre trajet jusqu'à Smyrne. Le 10, qui était un dimanche, monsieur a fait aborder près d'une ville turque nommée Modon, où il a débarqué pour aller en Grèce. Dans les passagers qui étaient avec nous, il y avait 2 Milanais qui allaient à Smyrne pour faire leur état de ferblantier et fondeur d'étain. Dans les deux, il y en avait un nommé Joseph qui parlait assez bien la langue turque, à qui monsieur proposa de venir avec lui comme domestique interprète et dont il est fait question dans son itinéraire. Il nous dit en nous quittant que ce voyage ne serait que de quelques jours, qu'il rejoindrait le bâtiment à une île où nous devions passer dans 4 ou 5 jours et qu'il nous attendrait dans cette île, s'il y arrivait avant nous. Comme monsieur trouvait en cet homme ce qui lui convenait pour ce petit voyage, de Sparte et d'Athènes, il me laissa à bord pour continuer ma route jusqu'à Smyrne et avoir soin de tous nos effets. Il m'avait remis une lettre de recommandation près le consul français, pour le cas où il ne nous rejoindrait pas. C'est ce qui est arrivé. Le 4e jour, nous sommes arrivés à l'île indiquée. Le capitaine est descendu à terre et monsieur n'y était pas. Nous avons passé la nuit et l'avons attendu jusqu'à 7 heures du matin. Le capitaine est retourné à terre pour prévenir qu'il était forcé de partir, ayant bon vent et obligé qu'il était de tenir compte de son trajet. De plus, il voyait un pirate qui cherchait à nous approcher. Il était urgent de se mettre promptement en défense. Il fit charger ses 4 pièces de canon et monter sur le pont ses fusils, pistolets et armes blanches. Mais comme le vent nous était avantageux, le pirate nous abandonna. Nous sommes arrivés un lundi 18 à 7 heures du soir dans le port de Smyrne. Après avoir traversé la Grèce, touché à Zéa et à Chios, je trouvai Julien à Smyrne. Je vois aujourd'hui dans ma mémoire la Grèce comme un de ces cercles éclatants qu'on aperçoit quelquefois en fermant les yeux. Sur cette phosphorescence mystérieuse se dessinent des ruines d'une architecture fine et admirable, le tout rendu plus resplendissant encore par je ne sais quelle autre clarté des muses. Quand retrouverai-je le thym de l'Hymette, les lauriers roses des bords de l'Eurotas? Un des hommes que j'ai laissés avec le plus d'envie sur des rives étrangères, c'est le douanier turc du Pirée. Il vivait seul, gardien de 3 ports déserts, promenant ses regards sur des îles bleuâtres, des promontoires brillants, des mers dorées. Là, je n'entendais que le bruit des vagues dans le tombeau détruit de Thémistocle et le murmure des lointains souvenirs. Au silence des débris de Sparte, la gloire même était muette. J'abandonnais au berceau de Mélésigène mon pauvre drogman Joseph, le Milanais, dans sa boutique de ferblantier, et je m'acheminais vers Constantinople. Je passais à Pergame, voulant d'abord aller à Troie, par piété poétique. Une chute de cheval m'attendait au début de ma route, non pas que Pégase bronchât, mais je dormais. Je rappelais cet accident dans mon itinéraire. Julien le raconte aussi, et il fait, à propos des routes et des chevaux, des remarques dont je certifie l'exactitude. Itinéraire de Julien. Monsieur qui s'était endormi sur son cheval est tombé sans se réveiller. Aussitôt son cheval s'est arrêté, ainsi que le mien qui le suivait. Je mis de suite pied à terre pour en savoir la cause, car il m'était impossible de la voir à la distance d'une toise. Je vois monsieur à moitié endormi, à côté de son cheval, et tout étonné de se trouver à terre. Il m'a assuré qu'il ne s'était pas blessé. Son cheval n'a pas cherché à s'éloigner, ce qui aurait été dangereux, car des précipices se trouvaient très près du lieu où nous étions. Au sortir de la Soma, après avoir passé Pergame, j'eus avec mon guide la dispute qu'on lit dans l'itinéraire. Voici le récit de Julien. Nous sommes partis de très bonne heure de ce village, après avoir remonté notre cantine. À peu de distance du village, je fus très étonné de voir monsieur en colère contre notre conducteur. Je lui en demandai le motif. Alors monsieur me dit qu'il était convenu avec le conducteur à Smyrne qu'il le mènerait dans les plaines de Troie, chemin faisant, et que dans ce moment il s'y refusait en disant que ces plaines étaient infestées de brigands. Monsieur n'en voulait rien croire et n'écoutait personne. Comme je voyais qu'il s'emportait de plus en plus, je fis signe au conducteur de venir près de l'interprète et du janissaire pour m'expliquer ce qu'on lui avait dit des dangers qu'il y avait à courir dans les plaines que monsieur voulait visiter. Le conducteur dit à l'interprète qu'on lui avait assuré qu'il fallait être en très grand nombre pour ne pas être attaqué. Le janissaire me dit la même chose. Alors j'allai trouver monsieur et lui répétai ce qu'il m'avait dit tous trois, et de plus que nous trouverions à une journée de marche un petit village où il y avait un espèce de consul qui pourrait nous instruire de la vérité. D'après ce rapport, monsieur se calma et nous continuâmes notre route jusqu'à cet endroit. Aussitôt arrivé, il se rendit près du consul, qui lui dit tous les dangers qu'il courait s'il persistait à vouloir aller en si petit nombre dans ces plaines de Troie. Alors monsieur a été obligé de renoncer à son projet, et nous continuâmes notre route pour Constantinople. J'arrive à Constantinople. Mon itinéraire. L'absence presque totale des femmes, le manque de voitures à roues et les meutes de chiens sans maître furent les trois caractères distinctifs qui me frappèrent d'abord dans l'intérieur de cette ville extraordinaire. Comme on ne marche guère qu'en babouche, qu'on n'entend point de bruit de carrosses et de charrettes, qu'il n'y a point de cloches, ni presque pas de métiers à marteau, le silence est continuel. Vous voyez autour de vous une foule muette qui semble vouloir passer sans être aperçue et qui a toujours l'air de se dérober au regard du maître. Vous arrivez sans cesse d'un bazar à un cimetière, comme si les Turcs n'étaient là que pour acheter, vendre et mourir. Les cimetières sans murs et placés au milieu des rues sont des bois magnifiques de cyprès. Les colombes font leur nid dans ces cyprès et partagent la paix des morts. On découvre çà et là quelques monuments antiques qui n'ont de rapport ni avec les hommes modernes ni avec les monuments nouveaux dont ils sont environnés. On dirait qu'ils ont été transportés dans cette ville orientale par l'effet d'un talisman. Aucun signe de joie, aucune apparence de bonheur ne se montre à vos yeux. Ce qu'on voit n'est pas un peuple, mais un troupeau qu'un imam conduit et qu'un janissaire égorge. Au milieu des prisons et des bagnes s'élève un sérail, capitole de la servitude. C'est là qu'un gardien sacré conserve soigneusement les germes de la peste et les lois primitives de la tyrannie. Julien, lui, ne se perd pas ainsi dans les rues. Itinéraire de Julien. L'intérieur de Constantinople est très désagréable par sa pente vers le canal et le port. On est obligé de mettre dans toutes les rues qui descendent dans cette direction, rues fort mal pavées, des retraites très près les unes des autres pour retenir les terres que l'eau entraînerait. Il y a peu de voitures. Les Turcs font beaucoup plus usage de chevaux de selle que les autres nations. Il y a dans le quartier français quelques chaises à porteurs pour les dames. Il y a aussi des chameaux et des chevaux de somme pour le transport des marchandises. On voit également des portefaix, qui sont des Turcs ayant de très gros et longs bâtons. Il peut se mettre 5 ou 6 à chaque bout et porte des charges énormes, d'un pas régulier. Un seul homme porte aussi de très lourds fardeaux. Ils ont un espèce de crochet qui leur prend depuis les épaules jusqu'aux reins, et avec une remarquable adresse d'équilibre, ils portent tous les paquets sans être attachés. Mon itinéraire. Nous étions sur le vaisseau à peu près 200 passagers. Hommes, femmes, enfants et vieillards, on voyait autant de nattes rangées en ordre des deux côtés de l'entrepont. Dans cette espèce de république, chacun faisait son ménage à volonté. Les femmes soignaient leurs enfants, les hommes fumaient ou préparaient leur dîner, les papas causaient ensemble. On entendait de tous côtés le son des mandolines, des violons et des lyres. On chantait, on dansait, on riait, on priait. Tout le monde était dans la joie. On me disait « Jérusalem » en me montrant le midi, et je répondais « Jérusalem ». Enfin, sans la peur, nous eussions été les plus heureuses gens du monde. Mais au moindre vent, les matelots pliaient les voiles, les pèlerins criaient « Christos, Kyrie, Eleison ». L'orage passé, nous reprenions notre audace. Ici, je suis battu par Julien. Itinéraire de Julien. Il a fallu nous occuper de notre départ pour Jaffa, qui eut lieu le jeudi 18 septembre. Nous nous sommes embarqués sur un bâtiment grec où il y avait au moins tant hommes que femmes et enfants, 550 Grecs qui allaient en pèlerinage à Jérusalem, ce qui causait beaucoup d'embarras dans le bâtiment. Nous avions, de même que les autres passagers, nos provisions de bouche et nos ustensiles de cuisine que j'avais achetés à Constantinople. J'avais en outre une autre provision assez complète que monsieur l'ambassadeur nous avait donnée, composée de très beaux biscuits, jambon, saucissons, cervelas, vin de différentes sortes, rhum, sucre, citron, jusqu'à du vin de quinquina contre la fièvre. Je me trouvais donc pourvu d'une provision très abondante que je ménageais et ne consommais qu'avec une grande économie, sachant que nous n'avions pas que ce trajet à faire. Tout était serré où aucun passager ne pouvait aller. Notre trajet, qui n'a été que de 13 jours, m'a paru très long par toutes sortes de désagréments et de malpropretés sur le bâtiment. Pendant plusieurs jours de mauvais temps que nous avons eus, les femmes et les enfants étaient malades, vomissaient partout, au point que nous étions obligés d'abandonner notre chambre et de coucher sur le pont. Nous y mangions beaucoup plus commodément qu'ailleurs, ayant pris le parti d'attendre que tous nos Grecs aient fini leur tripotage. Je passe le détroit des Dardanelles, je touche à Rhodes et je prends un pilote pour la côte de Syrie. Un calme nous arrête sous le continent de l'Asie, presque en face de l'ancien cap Chélidonia. Nous restons 2 jours en mer, sans savoir où nous étions. Mon itinéraire. Le temps était si beau et l'air si doux que tous les passagers restaient la nuit sur le pont. J'avais disputé un point du gaillard d'arrière à 2 gros caloyers qui ne me l'avaient cédé qu'en grommelant. C'était là que je dormais le 30 de septembre à 6 heures du matin, lorsque je fus éveillé par un bruit confus de voix. J'ouvris les yeux et j'aperçus les pèlerins qui regardaient vers la proue du vaisseau. Je demandai ce que c'était, on me cria « Signor, il Carmelo, le Carmel !» Le vent s'était levé la veille à 8 heures du soir et dans la nuit, nous étions arrivés à la vue des côtes de Syrie. Comme j'étais couché tout habillé, je fus bientôt debout, m'enquérant de la montagne sacrée. Chacun s'empressait de me la montrer de la main, mais je n'apercevais rien à cause du soleil qui commençait à se lever en face de nous. Ce moment avait quelque chose de religieux et d'auguste. Tous les pèlerins, le chapelet à la main, étaient restés en silence, dans la même attitude, attendant l'apparition de la Terre Sainte. Le chef des papas criait à haute voix, on n'entendait que cette prière et le bruit de la course du vaisseau que le vent le plus favorable poussait sur une mer brillante. De temps en temps, un cri s'élevait de la proue quand on revoyait le Carmel. J'aperçus enfin moi-même cette montagne comme une tache ronde au-dessous des rayons du soleil. Je me mis alors à genoux à la manière des Latins. Je ne sentis point cette espèce de trouble que j'éprouvais en découvrant les côtes de la Grèce. Mais la vue du berceau des Israélites et de la patrie des chrétiens me remplit de joie et de respect. J'allais descendre sur la terre des prodiges aux sources de la plus étonnante poésie, au lieu où même humainement parlant, s'est passé le plus grand événement qui ait jamais changé la face du monde. Le vent nous manqua à midi, il se leva de nouveau à 4 heures, mais par l'ignorance du pilote, nous dépassâmes le but. À 2 heures de l'après-midi, nous revîmes Jaffa. Un bateau se détacha de la terre avec 3 religieux. Je descendis avec eux dans la chaloupe. Nous entrâmes dans le port par une ouverture pratiquée entre des rochers et dangereuse même pour un caïque. Les Arabes du rivage s'avancèrent dans l'eau jusqu'à la ceinture afin de nous charger sur leurs épaules. Il se passa là une scène assez plaisante. Mon domestique était vêtu d'une redingote blanchâtre. Le blanc étant la couleur de distinction chez les Arabes, ils jugèrent que Julien était le cheik. Ils se saisirent de lui et l'emportèrent en triomphe malgré ses protestations, tandis que grâce à mon habit bleu, je me sauvais obscurément sur le dos d'un mendiant déguenillé. Maintenant, entendons Julien, principal acteur de la scène. Itinéraire de Julien. Ce qui m'a beaucoup étonné, c'est de voir venir 6 Arabes pour me porter à terre, tandis qu'il n'y en avait que 2 pour monsieur, ce qui l'amusait beaucoup de me voir porter comme une chasse. Je ne sais si ma mise leur a paru plus brillante que celle de monsieur, il avait une redingote brune et boutons pareils. La mienne était blanchâtre, avec des boutons de métal blanc, qui jetaient assez d'éclat par le soleil qu'il faisait. C'est ce qui a pu, sans doute, leur causer cette méprise. Nous sommes entrés le mercredi 1er octobre chez les religieux de Jaffa, qui sont de l'ordre des cordeliers, parlant latin et italien, mais très peu français. Ils nous ont tous très bien reçus et ont fait tout leur possible pour nous procurer tout ce qui nous était nécessaire. J'arrive à Jérusalem. Par le conseil des pères du couvent, je traverse vite la ville sainte pour aller au Jourdain. Après m'être arrêté au couvent de Bethléem, je pars avec une escorte d'Arabes, je m'arrête à Saint-Saba, à minuit, je me trouve au bord de la mer Morte. Mon itinéraire. Quand on voyage dans la Judée, d'abord un grand ennui saisit le cœur. Mais lorsque, passant de solitude en solitude, l'espace s'étend sans borne devant vous, peu à peu l'ennui se dissipe, on éprouve une terreur secrète qui, loin d'abaisser l'âme, donne du courage et élève le génie. Des aspects extraordinaires décèlent de toutes parts une terre travaillée par des miracles. Le soleil brûlant, l'aigle impétueux, le figuier stérile, toute la poésie, tous les tableaux de l'écriture sont là. Chaque nom renferme un mystère. Chaque grotte déclare l'avenir. Chaque sommet retentit des accents d'un prophète. Dieu même a parlé sur ses bords. Les torrents desséchés, les rochers fendus, les tombeaux entr'ouverts attestent le prodige. Le désert paraît encore muet de terreur, et l'on dirait qu'il n'a osé rompre le silence depuis qu'il a entendu la voix de l'Éternel. Nous descendîmes de la croupe de la montagne afin d'aller passer la nuit au bord de la mer morte pour remonter ensuite au Jourdain. Itinéraire de Julien. Nous sommes descendus de cheval pour les laisser reposer et manger, ainsi que nous qui avions une assez bonne cantine que les religieux de Jérusalem nous avaient donnée. Après notre collation faite, nos Arabes allèrent à une certaine distance de nous pour écouter, l'oreille sur terre, s'ils entendaient quelque bruit. Nous ayant assuré que nous pouvions être tranquilles, alors chacun s'est abandonné au sommeil. Quoique couché sur des cailloux, j'avais fait un très bon somme, quand monsieur vint me réveiller à 5 heures du matin pour faire préparer tout notre monde à partir. Il avait déjà empli une bouteille en fer-blanc, tenant environ 3 chopines de l'eau de la mer morte pour rapporter à Paris. Mon itinéraire. Nous levâmes le camp et nous cheminâmes pendant 1 heure et demie avec une peine excessive dans une arène blanche et fine. Nous avancions vers un petit bois d'arbres de baume et de tamarin qu'à mon grand étonnement je voyais s'élever du milieu d'un sol stérile. Tout à coup les bethléémites s'arrêtèrent et montrèrent de la main au fond d'une ravine quelque chose que je n'avais pas aperçu. Sans pouvoir dire ce que c'était, j'entrevoyais comme une espèce de sable en mouvement sur l'immobilité du sol. Je m'approchai de ce singulier objet et je vis un fleuve jaune que j'avais peine à distinguer de la reine de ses deux rives. Il était profondément encaissé et roulait avec lenteur une onde épaisse. C'était le Jourdain. Les bethléémites se dépouillèrent et se plongèrent dans le Jourdain. Je n'osais les imiter à cause de la fièvre qui me tourmentait toujours. Itinéraire de Julien. Nous sommes arrivés au Jourdain à 7 heures du matin par des sables où nos chevaux entraient jusqu'aux genoux et par des fossés qu'ils avaient peine à remonter. Nous avons parcouru le rivage jusqu'à 10 heures et pour nous délaisser, nous nous sommes baignés très commodément par l'ombre des arbrisseaux qui bordent le fleuve. Il aurait été très facile de passer de l'autre côté à la nage, n'ayant de largeur à l'endroit où nous étions qu'environ 40 toises. Mais il n'eût pas été prudent de le faire, car il y avait des Arabes qui cherchaient à nous rejoindre, et en peu de temps, ils se réunissent en très grand nombre. Monsieur a rempli sa seconde bouteille de fer-blanc d'eau du Jourdain. Nous rentrâmes dans Jérusalem. Julien n'est pas beaucoup frappé des saints lieux. En vrai philosophe, il est sec. Le calvaire, dit-il, est dans la même église, sur une hauteur, semblable à beaucoup d'autres hauteurs, sur lesquelles nous avons monté, et d'où l'on ne voit au loin que des terres en friche, et pour tout bois, des broussailles et des arbustes rongés par les animaux. La vallée de Josaphat se trouve en dehors, au pied du mur de Jérusalem, et ressemble à un fossé de remparts. Je quittai Jérusalem, j'arrivai à Jaffa, et je m'embarquai pour Alexandrie. D'Alexandrie, j'allai au Caire, et je laissai Julien chez M. Drovetti, qui eut la bonté de me noliser un bâtiment autrichien pour Tunis. Julien continue son journal à Alexandrie. Il y a, dit-il, des Juifs qui font l'agiotage comme partout où ils sont. À 1/2 lieue de la ville, il y a la colonne de Pompée, qui est en granit rougeâtre, montée sur un massif de pierres de taille. Mon itinéraire. Le 23 novembre, à midi, le vent étant devenu favorable, je me rendis à bord du vaisseau. J'embrassai M. Drovetti sur le rivage, et nous nous promîmes amitié et souvenance. J'acquitte aujourd'hui ma dette. Nous levâmes l'ancre à 2 heures, un pilote nous mit hors du port, le vent était faible et de la partie du midi. Nous restâmes 3 jours à la vue de la colonne de Pompée que nous découvrions à l'horizon. Le soir du 3e jour, nous entendîmes le coup de canon de retraite du port d'Alexandrie. Ce fut comme le signal de notre départ définitif, car le vent du nord se leva et nous fîmes voile à l'occident. Le 1er décembre, le vent se fixant à l'ouest, nous barra le chemin. Peu à peu, il descendit au sud-ouest et se changea en une tempête qui ne cessa qu'à notre arrivée à Tunis. Pour occuper mon temps, je copiais et mettais en ordre les notes de ce voyage et les descriptions des martyrs. La nuit, je me promenais sur le pont avec le second, le capitaine Dinelli. Les nuits passées au milieu des vagues sur un vaisseau battu de la tempête ne sont pas stériles. L'incertitude de notre avenir donne aux objets leur véritable prix. La terre contemplée du milieu d'une mer orageuse ressemble à la vie considérée par un homme qui va mourir. Itinéraire de Julien. Après notre sortie du port d'Alexandrie, nous avons été assez bien pendant les premiers jours, mais cela n'a pas duré, car nous avons toujours eu mauvais temps et mauvais vent pendant le reste du trajet. Il y avait toujours de garde sur le pont un officier, le pilote et 4 matelots. Quand nous voyions, à la fin du jour, que nous allions avoir une mauvaise nuit, nous montions sur le pont. Vers minuit, je faisais notre punch. Je commençais toujours à en donner à notre pilote et aux 4 matelots, ensuite j'en servais à monsieur, à l'officier et à moi. Mais nous ne prenions pas cela aussi tranquillement que dans un café. Cet officier avait beaucoup plus d'usage que le capitaine. Il parlait très bien français, ce qui nous a été très agréable dans notre trajet. Nous continuons notre navigation et nous mouillons devant les îles Kerkeny. Mon itinéraire. Un orage du sud-est s'éleva à notre grande joie et en 5 jours nous arrivâmes dans les eaux de l'île de Malte. Nous la découvrîmes la veille de Noël, mais le jour de Noël même, le vent se rangeant à l'ouest-nord-ouest, nous chassa au midi de Lampedusa. Nous restâmes 18 jours sur la côte orientale du royaume de Tunis, entre la vie et la mort. Je n'oublierai de ma vie la journée du 28. Nous jetâmes l'ancre devant les îles de Kerkeny. Nous restâmes 8 jours à l'ancre dans la petite Sirte où je vis commencer l'année 1807. Sous combien d'astres et dans combien de fortunes diverses j'avais déjà vu se renouveler pour moi les années qui passent si vite ou qui sont si longues. Qu'ils étaient loin de moi ces temps de mon enfance où je recevais avec un cœur palpitant de joie la bénédiction et les présents paternels. Comme ce premier jour de l'année était attendu. Et maintenant, sur un vaisseau étranger au milieu de la mer, à la vue d'une terre barbare, ce premier jour s'envolait pour moi, sans témoin, sans plaisir, sans les embrassements de la famille, sans ces tendres souhaits de bonheur qu'une mère forme pour son fils avec tant de sincérité. Ce jour, né du sein des tempêtes, ne laissait tomber sur mon front que des soucis, des regrets et des cheveux blancs. Julien est exposé à la même destinée, et il me reprend d'une de ces impatiences dont heureusement je me suis corrigé. Itinéraire de Julien. Nous étions très près de l'île de Malte, et nous avions à craindre d'être aperçus par quelques bâtiments anglais qui auraient pu nous forcer d'entrer dans le port, mais aucun n'est venu à notre rencontre. Notre équipage se trouvait très fatigué et le vent continuait à ne pas nous être favorable. Le capitaine, voyant sur sa carte un mouillage nommé Kerkeny, duquel nous n'étions pas éloignés, fit voile dessus sans en prévenir monsieur, lequel, voyant que nous approchions de ce mouillage, s'est fâché de ce qu'il n'avait pas été consulté, disant au capitaine qu'il devait continuer sa route, ayant supporté de plus mauvais temps. Mais nous étions trop avancés pour reprendre notre route, et d'ailleurs la prudence du capitaine a été fort approuvée, car cette nuit-là, le vent est devenu bien plus fort et la mer très mauvaise. Ayant été obligé de rester 24 heures de plus que notre prévision dans le mouillage, monsieur en marquait vivement son mécontentement au capitaine, malgré les justes raisons que celui-ci lui donnait. Il y avait environ un mois que nous naviguions, et il ne nous fallait plus que 7 ou 8 heures pour arriver dans le port de Tunis. Tout à coup le vent devint si violent que nous fûmes obligés de nous mettre au large, et nous restâmes 3 semaines sans pouvoir aborder ce port. C'est encore dans ce moment que monsieur reprocha de nouveau au capitaine d'avoir perdu 36 heures au mouillage. On ne pouvait le persuader qu'il nous serait arrivé plus grand malheur si le capitaine eût été moins prévoyant. Le malheur que je voyais était de voir nos provisions baisser sans savoir quand nous arriverions. Je foulai enfin le sol de Carthage. Je trouvai chez monsieur et madame de Voise l'hospitalité la plus généreuse. Julien fait bien connaître mon hôte. Il parle aussi de la campagne et des Juifs. Il prie et pleure, dit-il. Un brick de guerre américain m'ayant donné passage à son bord, je traversai le lac de Tunis pour me rendre à la Goulette. Chemin faisant, dit Julien, je demandai à monsieur s'il avait pris l'or qu'il avait mis dans le secrétaire de la chambre où il couchait. Il me dit qu'il l'avait oublié et je fus obligé de retourner à Tunis. L'argent ne peut jamais me demeurer dans la cervelle. Quand j'arrivai d'Alexandrie, nous jetâmes l'ancre en face les débris de la cité d'Hannibal. Je les regardai du bord sans pouvoir deviner ce que c'était. J'apercevais quelques cabanes de morts, un ermitage musulman sur la pointe d'un cap avancé, des brebis paissant parmi des ruines, ruines si peu apparentes que je les distinguais à peine du sol qui les portait. C'était Carthage. Je la visitai avant de m'embarquer pour l'Europe.